Quelque temps après, pendant que Cheikh Ibrahim entretenait la belle persienne sur un autre sujet, Noureddin, à son tour, le pria de vouloir bien allumer quelques lustres, sans prendre garde que toutes les bougies étaient allumées. « Il faut, reprit Cheikh Ibrahim, que vous soyez bien paresseux ou que vous ayez moins de vigueur que moi, si vous ne pouvez les allumer vous-même. Allez, allumez-les, mais n'en allumez que trois. » Au lieu de n'en allumer que ce nombre, il les alluma tous et ouvrit les 80 fenêtres, à quoi Cheikh Ibrahim, attaché à s'entretenir avec la belle persienne, ne fit pas de réflexion. Le calife Haroun al-Rachid n'était pas encore retiré alors. Il était dans un salon de son palais, qui avançait jusqu'au tigre, et qui avait vu, du côté du jardin et du pavillon, des peintures. Par hasard, il ouvrit une fenêtre de ce côté-là, et il fut extrêmement étonné de voir le pavillon tout illuminé, et d'autant plus qu'à la grande clarté, il crut d'abord que le feu était dans la ville. Le grand vizir Giafar était encore avec lui, et il n'attendait que le moment que le calife se retira pour retourner chez lui. Le calife l'appela dans une grande colère. « Vizir négligent, s'écria-t-il, viens ça, approche-toi, regarde le pavillon des peintures, et dis-moi pourquoi il est allumé à l'heure qu'il est, que je n'y suis pas. » Le grand vizir trembla à cette nouvelle, de la crainte qu'il eut que cela ne fût. Il s'approcha, et il trembla davantage, dès qu'il eut vu que ce que le calife lui avait dit était vrai. Il fallait cependant un prétexte pour l'apaiser. « Commandeur des croyants, dit-il, je ne puis dire autre chose là-dessus à votre majesté, sinon qu'il y a 4 ou 5 jours que Cheikh Ibrahim vint se présenter à moi. Il me témoigna qu'il avait dessein de faire une assemblée des ministres de sa mosquée pour une certaine cérémonie qu'il était bien aise de faire sous le règne de votre majesté. Je lui demandai ce qu'il souhaitait que je fisse pour son service en cette rencontre. Sur quoi, il me supplia d'obtenir de votre majesté qu'il lui fût permis de faire l'assemblée et la cérémonie dans le pavillon. Je le renvoyai en lui disant qu'il le pouvait faire et que je ne manquerais pas d'en parler à votre majesté. Je lui demande pardon de l'avoir oublié. Cheikh Ibrahim, apparemment, poursuivit-il, a choisi ce jour pour la cérémonie, et en régalant les ministres de sa mosquée, il a voulu sans doute leur donner le plaisir de cette illumination. « Giafar, reprit le calife d'un ton qui marquait qu'il était un peu apaisé, selon ce que tu viens de me dire, tu as commis 3 fautes qui ne sont point pardonnables. La première, d'avoir donné à Cheikh Ibrahim la permission de faire cette cérémonie dans mon pavillon. Un simple concierge n'est pas un officier assez considérable pour mériter tant d'honneur. La seconde, de ne m'en avoir point parlé. Et la troisième, de n'avoir pas pénétré dans la véritable intention de ce bonhomme. En effet, je suis persuadé qu'il n'en a pas eu d'autre que de voir s'il n'obtiendrait pas une gratification pour l'aider à faire cette dépense. Tu n'y as pas songé, et je ne lui donne plus le tort de se venger de ne l'avoir pas obtenu par la dépense plus grande de cette illumination. » Le grand vizir Giafar, joyeux de ce que le calife prenait la chose sur ce ton, se chargea avec plaisir des fautes qu'il venait de lui reprocher, et il avoua franchement qu'il avait tort de n'avoir pas donné quelques pièces d'or à Cheikh Ibrahim. « Puisque cela est ainsi, ajouta le calife en souriant, il est juste que tu sois puni de tes fautes. Mais la punition en sera légère. C'est que tu passeras le reste de la nuit, comme moi, avec ces bonnes gens que je suis bien aise de voir. Pendant que je vais prendre un habit de bourgeois, va te déguiser de même avec Mesrour, et venez tous deux avec moi. » Le vizir Giafar voulut lui représenter qu'il était tard et que la compagnie ne serait retirée avant qu'il fût arrivé. Mais il répartit qu'il voulait y aller absolument. Comme il n'était rien de ce que le vizir lui avait dit, le vizir fut au désespoir de cette résolution. Mais il fallait obéir et ne pas répliquer. Le calife sortit donc de son palais, déguisé en bourgeois, avec le grand vizir Giafar et Mesrour, chef des eunuques, et marcha par les rues de Bagdad, jusqu'à ce qu'il arrivât au jardin. La porte était ouverte par la négligence de Cheikh Ibrahim, qui avait oublié de la fermer en revenant d'acheter du vin. Le calife en fut scandalisé. « Giafar, dit-il au grand vizir, que veut dire que la porte est ouverte à l'heure qu'il est? Sera-t-il possible que ce fût la coutume de Cheikh Ibrahim de la laisser ainsi ouverte la nuit? J'aime mieux croire que l'embarras de la fête lui ait fait commettre cette faute. » Le calife entra dans le jardin, et quand il fut arrivé au pavillon, comme il ne voulait pas monter au salon avant de savoir ce qui s'y passait, il consulta avec le grand vizir s'il ne devait pas monter sur des arbres qui en étaient plus près pour s'en éclaircir. Mais en regardant la porte du salon, le grand vizir s'aperçut qu'elle était entr'ouverte et l'en avertit. Cheikh Ibrahim l'avait laissé ainsi lorsqu'il s'était laissé persuader d'entrer et de tenir compagnie à Noureddin et à la belle persienne. Le calife abandonna son premier dessein, il monta à la porte du salon sans faire de bruit, et la porte était entr'ouverte de manière qu'il pouvait voir ce qui était dedans sans être vu. Sa surprise fut des plus grandes quand il aperçut une dame d'une beauté sans égale et un jeune homme des mieux faits, avec Cheikh Ibrahim assis à table avec eux. Cheikh Ibrahim tenait la tasse à la main. « Ma belle dame, disait-il à la belle persienne, un bon buveur ne doit jamais boire sans chanter la chansonnette auparavant. Faites-moi l'honneur de m'écouter. En voici une des plus jolies. » Cheikh Ibrahim chanta, et le calife en fut d'autant plus étonné qu'il avait ignoré jusqu'alors qu'il but du vin, et qu'il l'avait cru un homme sage et posé, comme il le lui avait toujours paru. Il s'éloigna de la porte avec la même précaution qu'il s'en était approché, et vint au grand vizir Giafar, qui était sur l'escalier, quelques degrés au-dessus du perron. « Monte, lui dit-il, et vois si ceux qui sont là-dedans sont des ministres de mosquée, comme tu as voulu me le faire croire. » Du ton dont le calife prononça ces paroles, le grand vizir connut fort bien que la chose allait mal pour lui. Il monta, et en regardant par l'ouverture de la porte, il trembla de frayeur pour sa personne quand il eut vu les mêmes trois personnes dans la situation et dans l'état où elles étaient. Il revint au calife tout confus et ne sut que lui dire. « Quel désordre, dit le calife, que des gens aient la hardiesse de venir se divertir dans mon jardin et dans mon pavillon. Que Cheikh Ibrahim leur donne entrée, les souffre et se divertisse avec eux. Je ne crois pas néanmoins que l'on puisse voir un jeune homme et une jeune dame mieux fait et mieux assorti. Avant de faire éclater ma colère, je veux m'éclaircir davantage et savoir qui ils peuvent être et à quelle occasion ils sont ici. » Il retourna à la porte pour les observer encore, et le vizir, qui le suivit, demeura derrière lui pendant qu'il avait les yeux sur eux. Ils entendirent l'un et l'autre que Cheikh Ibrahim disait à la belle persienne. « Mon aimable dame, y a-t-il quelque chose que vous puissiez souhaiter pour rendre notre joie de cette soirée plus accomplie ?»« Il me semble, reprit la belle persienne, que tout irait bien si vous aviez un instrument dont je puisse jouer et que vous voulussiez me l'apporter. » « Madame, reprit Cheikh Ibrahim, savez-vous jouer du luth ?»« Apportez, lui dit la belle persienne, je vous le ferai voir. » Sans aller bien loin de sa place, Cheikh Ibrahim tira un luth d'une armoire et le présenta à la belle persienne, qui commença à le mettre d'accord. Le calife, cependant, se tourna du côté du grand vizir Giafar. « Giafar, lui dit-il, la jeune dame va jouer du luth. Si elle joue bien, je lui pardonnerai, de même qu'au jeune homme pour l'amour d'elle. Pour toi, je ne laisserai pas de te faire pendre. » « Commandeur des croyants, reprit le grand vizir, si cela est ainsi, je prie donc Dieu qu'elle joue mal. » « Pourquoi cela ? Reprit le calife. « Plus nous serons de monde, répliqua le grand vizir, plus nous aurons lieu de nous consoler de mourir en belle et bonne compagnie. » Le calife, qui aimait les bons mots, se mit à rire de cette répartie, et en se retournant du côté de l'ouverture de la porte, il prêta l'oreille pour entendre jouer la belle persienne. La belle persienne préludait déjà d'une manière qui fit comprendre d'abord au calife qu'elle jouait en maître. Elle commença ensuite de chanter un air, et elle accompagna sa voix qu'elle avait admirable avec le luth, et elle le fit avec tant d'art et de perfection que le calife en fut charmé. Dès que la belle persienne eut achevé de chanter, le calife descendit de l'escalier et le vizir Giafar le poursuivit. Quand il fut au bas, « De ma vie, dit-il au vizir, je n'ai entendu une plus belle voix ni mieux jouer du luth. Isaac, que je croyais le plus habile joueur qu'il y eut au monde, n'en approche pas. J'en suis si content que je veux entrer pour l'entendre jouer devant moi. Il s'agit de savoir de quelle manière je le ferai. « Commandeur des croyants, » reprit le grand vizir, « si vous y entrez et que Cheikh Ibrahim vous reconnaisse, il en mourra de frayeur. » « C'est aussi ce qui me fait de la peine, » répartit le calife, « et je serais fâché d'être cause de sa mort après tant de temps qu'il me sert. Il me vient une pensée qui pourra me réussir. Demeure ici avec Mesrour et attendez dans la première allée que je revienne. » Le voisinage du tigre avait donné lieu au calife d'en détourner assez d'eau par-dessus une grande voûte bien terrassée pour former une belle pièce d'eau où ce qu'il y avait de plus beau poisson dans le tigre venait se retirer. Les pêcheurs le savaient bien et ils eussent fort souhaité d'avoir la liberté d'y pêcher. Mais le calife avait défendu expressément à Cheikh Ibrahim de souffrir qu'aucun en approchât. Cette belle nuit, néanmoins, un pêcheur qui passait devant la porte du jardin depuis que le calife y était entré et qu'il l'avait laissée ouverte comme il l'avait trouvée, avait profité de l'occasion et s'était coulé dans le jardin jusqu'à la pièce d'eau. Le pêcheur avait jeté ses filets et il était prêt de les tirer au moment où le calife, qui, après la négligence de Cheikh Ibrahim, s'était douté de ce qui était arrivé et voulait profiter de cette conjoncture pour son dessein, vint au même endroit. Nonobstant son déguisement, le pêcheur le reconnut et se jeta aussitôt à ses pieds en lui demandant pardon et en s'excusant de sa pauvreté. « Relève-toi et ne crains rien, » reprit le calife. « Tire seulement tes filets, que je vois le poisson qu'il y aura. » Le pêcheur, rassuré, exécuta promptement ce que le calife souhaitait, et il amena 5 ou 6 beaux poissons, dont le calife choisit les 2 plus gros, qu'il fit attacher ensemble par la tête avec un brin d'arbrisseau. Il dit ensuite au pêcheur, « Donne-moi ton habit et prends le mien. » L'échange se fit en peu de moments, et dès que le calife fut habillé en pêcheur, jusqu'à la chaussure et au turban. « Prends tes filets, » dit-il au pêcheur, « et va faire tes affaires. » Quand le pêcheur fut parti, fort content de sa bonne fortune, le calife prit les 2 poissons à la main et alla retrouver le grand vizir Giafar et Mesrour. Il s'arrêta devant le grand vizir, et le grand vizir ne le reconnut pas. « Que demandes-tu ? » lui dit-il. « Va, passe ton chemin !» Le calife se mit aussitôt à rire, et le grand vizir le reconnut. « Commandeur des croyants, s'écria-t-il, est-il possible que ce soit vous ? Je ne vous reconnaissais pas, et je vous demande 1000 pardons de mon incivilité. Vous pouvez entrer présentement dans le salon, sans craindre que Cheikh Ibrahim vous reconnaisse. « Restez donc encore ici, lui dit-il et à Mesrour, pendant que je vais faire mon personnage. » Le calife monta au salon et frappa à la porte. Noureddin, qui l'entendit le premier, en avertit Cheikh Ibrahim. Et Cheikh Ibrahim demanda qui c'était. Le calife ouvrit la porte, et en avançant seulement un pas dans le salon pour se faire voir. « Cheikh Ibrahim, répondit-il, je suis le pêcheur Kérim. Comme je me suis aperçu que vous régaliez de vos amis et que j'ai pêché 2 beaux poissons dans le moment, je viens vous demander si vous n'en avez pas besoin. » Noureddin et la belle persienne furent ravis d'entendre parler de poissons. Cheikh Ibrahim, dit aussitôt la belle persienne, je vous prie, faites-nous le plaisir de le faire entrer, que nous voyons son poisson. Cheikh Ibrahim n'était plus en état de demander au prétendu pêcheur comment ni par où il était venu. Il songea seulement à plaire à la belle persienne. Il tourna donc la tête du côté de la porte avec bien de la peine tant il avait bu et dit en bégayant au calife qu'il prenait pour un pêcheur. « Approche, bon voleur de nuit, approche qu'on te voie !» Le calife s'avança en contrefaisant parfaitement bien toutes les manières d'un pêcheur et présenta les 2 poissons. « Voilà 2 fort beaux poissons, dit la belle persienne, j'en mangerai volontiers, s'il était cuit et bien accommodé. » « Madame a raison, reprit Cheikh Ibrahim, que veux-tu que nous fassions de ton poisson s'il n'est accommodé ? Va, accommode-le toi-même et rapporte-le-nous. Tu trouveras de tout dans ma cuisine. » Le calife revint trouver le grand vizir Giafar. « Giafar, lui dit-il, j'ai été fort bien reçu, mais il demande que le poisson soit accommodé. » « Je vais l'accommoder, reprit le grand vizir. Cela sera fait dans un moment. » J'ai si fort à cœur, répartit le calife, de venir à bout de mon dessein, que j'en prendrai bien la peine moi-même. Puisque je fais si bien le pêcheur, je puis bien faire aussi le cuisinier. Je me suis mêlé de la cuisine dans ma jeunesse, et je ne m'en suis pas mal acquitté. » En disant ces paroles, il avait pris le chemin du logement de Cheikh Ibrahim, et le grand vizir et Mesrour le suivirent. Ils mirent la main à l'œuvre tous les trois. Et quoique la cuisine de Cheikh Ibrahim ne fût pas grande, comme néanmoins il n'y manquait rien des choses dont ils avaient besoin, ils eurent bientôt accommodé le plat de poisson. Le calife le porta, et en le servant, il mit aussi un citron devant chacun, afin qu'ils s'en servissent s'ils le souhaitaient. Ils mangèrent d'un grand appétit, Noureddin et la belle persienne particulièrement, et le calife demeura debout devant eux. Quand ils eurent achevé, Noureddin regarda le calife. « Pêcheur, lui dit-il, on ne peut pas manger de meilleurs poissons, et tu nous as fait le plus grand plaisir du monde. » Il mit la main dans son sein en même temps, et il en tira sa bourse, où il y avait 30 pièces d'or, le reste des 40 que Sangiar, huissier du roi de Balsora, lui avait donné avant son départ. « Prends, dit-il, je t'en donnerai davantage si j'en avais. Je t'eusse mis à l'abri de la pauvreté si je t'eusse connu avant et que j'eusse dépensé mon patrimoine. Ne laisse pas de le recevoir d'aussi bon cœur que si le présent était beaucoup plus considérable. » Le calife prit la bourse, et en remerciant Noureddin, comme il sentit que c'était de l'or qui était dedans, « Seigneur, lui dit-il, je ne puis assez vous remercier de votre libéralité. On est bien heureux d'avoir affaire à d'honnêtes gens comme vous. Mais avant de me retirer, j'ai une prière à vous faire que je vous supplie de m'accorder. Voilà un luth qui me fait connaître que madame en sait jouer. Si vous pouviez obtenir d'elle qu'elle me fît la grâce de jouer un air, je m'en retournerais le plus content du monde. C'est un instrument que j'aime passionnément. Belle persienne, dit aussitôt Noureddin en s'adressant à elle, je vous demande cette grâce, j'espère que vous ne me refuserez pas. Elle prit le luth, et après l'avoir accordé en peu de moments, elle joua et chanta un air qui enleva le calife. En achevant, elle continua de jouer sans chanter, et elle le fit avec tant de force et d'agrément qu'il fut ravi comme en extase, quand la belle persienne eut cessé de jouer. « Ah ! S'écria le calife, quelle voix, quelle main et quel jeu ! A-t-on jamais mieux chanté, mieux joué du luth ? Jamais on n'a rien vu ni entendu de pareil !» Noureddin, accoutumé de donner ce qui lui appartenait à ceux qui en faisaient les louanges. « Pêcheur, reprit-il, je vois bien que tu t'y connais. Puisqu'elle te plaît si fort, c'est à toi, je t'en fais présent. » En même temps, il se leva, prit sa robe qu'il avait quittée, et il voulut partir et laisser le calife, qu'il ne connaissait que pour un pêcheur, en possession de la belle persienne. La belle persienne, extrêmement étonnée de la libéralité de Noureddin, le retint. « Seigneur, lui dit-elle en le regardant tendrement, où prétendez-vous donc aller ? Remettez-vous à votre place, je vous en supplie, et écoutez ce que je vais jouer et chanter. » Il fit ce qu'elle souhaitait. Et alors, en touchant le luth et en le regardant, les larmes aux yeux, elle chanta des vers qu'elle fit sur le champ, et elle lui reprocha vivement le peu d'amour qu'il avait pour elle, puisqu'il l'abandonnait si facilement à Kérim et avec tant de dureté. Elle voulait dire, sans s'expliquer davantage, à un pêcheur tel que Kérim, qu'elle ne connaissait pas pour le calife non plus que lui. En achevant, elle posa le luth près d'elle et porta son mouchoir au visage pour cacher ses larmes qu'elle ne pouvait retenir. Noureddin ne répondit pas un mot à ses reproches, et il marqua par son silence qu'il ne se repentait pas de la donation qu'il avait faite. Mais le calife, surpris de ce qu'il venait d'entendre, lui dit « Seigneur, à ce que je vois cette dame si belle, si rare, si admirable, dont vous venez de me faire présent avec tant de générosité, est votre esclave et vous êtes son maître. » « Cela est vrai, Kérim, répondit Noureddin. Et tu serais beaucoup plus étonné que tu ne le parais si je te racontais toutes les disgrâces qui me sont arrivées à son occasion. » « Eh, de grâce, seigneur, répartit le calife, en s'acquittant toujours fort bien du personnage du pêcheur. Obligez-moi de me faire part de votre histoire. » Noureddin, qui venait de faire pour lui d'autres choses de plus grande conséquence, quoiqu'il ne le regardât que comme pêcheur, voulut bien avoir encore cette complaisance. Il lui raconta toute son histoire, à commencer par l'achat que le vizir, son père, avait fait de la belle personne pour le roi Balsora, et n'omit rien de ce qu'il avait fait et de tout ce qui lui était arrivé jusqu'à son arrivée à Bagdad avec elle et jusqu'au moment où il lui parlait. Quand Noureddin eut achevé. « Et présentement, où allez-vous ? » demanda le calife. « Où je vais ? » répondit-il. « Où Dieu me conduira. » « Si vous me croyez, reprit le calife, vous n'irez pas plus loin. Il faut au contraire que vous retourniez à Balsora. Je vais vous donner un mot de lettre que vous donnerez au roi de ma part. Vous verrez qu'il vous recevra fort bien dès qu'il l'aura lu et que personne ne vous dira mot. « Kérim, répartit Noureddin, ce que tu me dis est bien singulier. Jamais on n'a dit qu'un pêcheur comme toi ait eu correspondance avec un roi. » « Cela ne doit pas vous étonner, répliqua le calife. Nous avons fait nos études ensemble sous les mêmes maîtres et nous avons toujours été les meilleurs amis du monde. Il est vrai que la fortune ne nous a pas été également favorable. Elle l'a fait roi et moi pêcheur. Mais cette inégalité n'a pas diminué notre amitié. Il a voulu me tirer hors de mon état avec tous les empressements imaginables. Je me suis contenté de la considération qu'il a de ne me rien refuser de tout ce que je lui demande pour le service de mes amis. Laissez-moi faire, et vous en verrez le succès. » Noureddin consentit à ce que le calife voulut. Comme il y avait dans le salon tout ce qu'il fallait pour écrire, le calife écrivit cette lettre au roi de Balsora, au haut de laquelle, presque sur l'extrémité du papier, il ajouta cette formule en très petit caractère. « Au nom de Dieu très miséricordieux, pour marquer qu'il voulait être obéi absolument. » Lettre du calife Haroun al-Rachid au roi de Balsora. Haroun al-Rachid, fils de Mahdi, envoie cette lettre à Mohamed Zinebi, son cousin. Dès que Noureddin, fils du vizir Khakan, porteur de cette lettre, te l'aura rendue et que tu l'auras lue, à l'instant dépouille-toi du manteau royal, mets-le-lui sur les épaules et fais-le asseoir à ta place, il n'y manque pas. Adieu. » Le calife plia et cacheta la lettre, et sans dire à Noureddin ce qu'elle contenait. « Tenez, lui dit-il, et allez vous faire embarquer incessamment sur un bâtiment qui va partir bientôt, comme il en part un chaque jour à la même heure. Vous dormirez quand vous serez embarqué. » Noureddin prit la lettre et partit avec le peu d'argent qu'il avait sur lui quand l'huissier Sangiar lui avait donné la bourse. Et la belle persienne, inconsolable de son départ, se retira à part sur le sofa et fondit en pleurs.